Celles qui ont vu trois fois Reine Mâle, celles qui ont pleuré Balavoine, celles qui faisaient des exposés sur l'apartheid et sur le Tché, celles qui ont envoyé du riz en Éthiopie, en Somalie, celles qui disaient « Tu comprends pas ». Les filles de 1973 ont 30 ans, la la la la. Les filles de 1973 ont 30 ans, la la la la. Celles qui mettaient des bandanas et des t-shirts Best Montana, celles qui ont porté les baskets Reebok and Rosanna Arquette, celles qui fabriquaient des bracelets brésiliens pendant l'heure d'anglais, celles qui disaient Eric Serra. Les filles de 1973 ont 30 ans, la la la la. Les filles de 1973 ont 30 ans, la la la. Celles qui pratiquaient des suçons dans le cou de Cyril Caron, celles qui fusillaient au blanco les tables du lycée Carnot, celles qui disaient « Madame, c'est vrai, on n'a rien compris au sujet », celles qui s'appelaient Estelle Gallois, Katia Bocage, Sandrine Le Prince, Fabienne Le Sage, Maria Martins, Élise Dufard, Myriam Langevin. Les filles de 1973 ont 30 ans, la la la. Celles qui ont vu trois fois Reine Mâle, celles qui ont pleuré Balavoine, Balavoine. Thank you.